Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1, une radio qu'on écoute aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir en compagnie des artistes Pierre-Luc Lecourt et Ida Toninato, avec lesquels j'ai conversé il y a quelques semaines autour d'un spectacle intitulé « Homéostasie », qui est maintenant fixé sur un album paru l'été dernier. On était en août 2025. Pierre-Luc Lecourt, eh ben, c'est un artiste sonore, compositeur et vidéaste qui combine des esthétiques sonores et visuelles pour explorer, réfléchir à des questions conceptuelles ou bien philosophique, relié au sort ou bien à l'avenir du monde. Pierre-Luc raconte que sa démarche s'inspire tout autant des courants de musique contemporaine instrumentale que des musiques électroniques ou encore expérimentales. Ses travaux actuels portent notamment sur l'exploration de nouvelles formes d'expression audiovisuelle. Il est de formation classique, s'intéresse notamment au décloisonnement des pratiques musicales contemporaines et au dialogue entre les différents de culture musicale. Et Lecourt combine tout ça depuis quelques années maintenant au génie musical d'Ida Toninato, une saxophoniste, compositrice et productrice dont le travail se déploie à la croisée, dit-elle, de la résonance acoustique et de l'électro-immersive. J'ai eu la chance de vous présenter son travail il y a quelques années maintenant autour des albums Strangeness of Gratitude et We Become Giants, des projets réalisés dans de grands espaces réverbérants alors qu'elle comptait exploiter le potentiel du saxophone comme révélateur du pouvoir acoustique d'un lieu. Reconnue pour son pouvoir d'exprimer vulnérabilité, puissance à même son instrument, Ida Toninato invente, dit-on, des univers construits sur des émotions brutes et des émotions toujours très intenses. Alors j'accueille ce soir Ida et Pierre-Luc en entretien autour de leur dernier projet de spectacle et de disque intitulé « Homéostasie », un projet dans lequel ils combinent le saxophone baryton, le synthétiseur modulaire et la vidéo d'art pour évoquer les tensions qui gouvernent le vivant. Influencés par les concepts d'équilibre, d'écologie et d'harmonie, ils explorent et réfléchissent sur le plan sonore et visuel les carrefours où se trouvent en équilibre la nature et l'humanité. Beau projet de réflexion, exploitant tout le spectre de leur rencontre sonore avec la vidéo générative en arrière-plan. Toninato et Lecourt s'engagent dans un processus de recherche d'équilibre entre eux, d'abord, puis avec l'auditoire et puis avec le monde vivant dans une perspective globale, on pourrait même dire holistique. Alors, on va ce soir s'en tenir au volet sonore et prêter une oreille attentive aux propos qu'ils m'ont confiés en entretien à propos de ce beau projet intitulé « Homéostasie » de Pierre-Luc Lecourt et Ida Toninato. Alors, on les écoute. Thank you. Ida, Tony Natto, Pierre-Luc Lecourt, bienvenue à l'émission. Très heureux de vous rencontrer cet après-midi. Oui, très heureux aussi. Oui, merci beaucoup, Gaëtan. Bon, je me demandais comment on démarrait cet entretien. Vous savez que dans le domaine des arts sonores, dans le monde musical, il y a beaucoup de duos. Et je me disais, bon, Tony Natto, Lecourt, ce serait quoi la singularité de votre combinaison? Bon, deux créateurs qui sont dans des univers un peu différents, je dirais, de par le travail que tu fais avec un instrument plutôt traditionnel, Ida, et puis Pierre-Luc qui est un peu dans le travail numérique. Comment se développe cette complicité? Tu y allais, Pierre-Luc, ou j'y vais? Ben, tu peux commencer, vas-y. Ben, tu sais, je trouve que même si on joue des instruments, ben, Pierre-Luc, il joue d'un instrument électronique, puis moi, je joue d'un instrument acoustique, on vient quand même pas de... Notre monde est quand même pas si différent que ça, je trouve, l'un de l'autre, parce qu'on a une, on est vraiment réunis par une sensibilité très similaire au timbre, à l'expression mélodique, à l'enchaînement des harmonies. Donc, c'est sûr qu'on joue pas le même instrument, puis on vient pas de, on n'a pas fait les mêmes parcours. Mais quand on se retrouve ensemble pour créer, on a vraiment un univers qui s'ouvre et qui semble, dans lequel on est tous les deux familiers. Je sais pas si je m'exprime clairement, mais par exemple, dans la richesse de timbre que Pierre-Luc produit avec son synthétiseur modulaire, moi, je me retrouve comme un poisson dans l'eau parce que c'est une richesse de timbre que j'ai aussi beaucoup cultivée sur mon instrument, avec les techniques étendues, les différents registres. Et puis, je pense qu'on joue vraiment avec une sensibilité commune dans notre approche des mélodies, dans aussi la manière dont on aborde les sujets. L'homéostasie, c'est un sujet sur le... Bah, c'est une thématique de recherche d'équilibre, donc on a vraiment une sensibilité aussi poétique et interprétative commune. Donc ouais, je trouve qu'on a peut-être des parcours différents, mais on vient quand même d'un univers qui semble se ressembler, puis quand on est ensemble, qui fusionne, je trouve, assez rapidement. Puis si je peux rebondir un peu sur ce qu'Ida dit, il y a quand même une spécificité de notre duo, c'est qu'on a quand même une approche très similaire à un petit ensemble de musique de chambre, là, au sens qu'il y a quand même une approche très expressive de jouer de la musique ensemble. Ça fait que même quand on travaille ensemble pour composer ou pour faire des concerts, des spectacles, il y a quand même cette interaction-là. Tu sais, c'est pas des fois comme dans les duos où est-ce qu'il y a un instrument acoustique avec comme quelqu'un, une personne qui va gérer plus l'aspect électronique. Des fois, il y a quand même une segmentation où est-ce que la personne gère un système électronique, puis la personne qui joue de l'acoustique va comme être plus dans une expression musicale. Là, quand on fait des concerts, on est quand même dans un rapport qui est très équivalent, puis dans lequel on interagit. Puis je pense que cette interaction-là, ça crée quelque chose qui est assez spécial là, en concert, puis que les gens sentent, puis qui... Tout à fait. Puis on le sent d'ailleurs dans vos prestations live. Et pour enchaîner, disons, dans l'univers sonore que vous déployez depuis quelques années, j'avais le goût qu'on entende un extrait de votre première collaboration. C'était le projet Inner Seas, n'est-ce pas? Et on va en écouter un extrait, puis ensuite on va parler de ce nouveau projet-là qui roule depuis tout de même quelques mois. Alors on écoute ça. Bon, on est bien parti. On est très bien parti. Ida, tu as évoqué homéostasie, homéostasis. Bon, ça, c'est le titre qu'on voit en anglais, tout ça. Et puis, ma question est toute simple. C'est comment émerger ce projet-là? Comment, à quel carrefour arrivez-vous pour réfléchir ce projet, à la fois sur le plan conceptuel, mais aussi sur le plan musical? Bah, dans notre premier projet, merci de l'avoir fait écouter. Ça rappelle tellement des beaux souvenirs. Je garde un souvenir totalement impérissable du mois en fait qu'on a passé en résidence Pierre-Luc et moi dans les studios d'Avatar à Québec pour créer ce show. Donc dans Inertis, on explorait vraiment la thématique des mondes intérieurs, des émotions, de quelque chose de très presque sous-marin en fait, très très intime, intérieur, personnel. Et homéostasis, la thématique nous a été apportée par le commissaire qui nous a passé la commande de ce projet qui s'appelle Jeon Bang. Donc c'est un projet qui a été produit en coproduction pardon, entre le festival Mutec à Montréal et le festival Inscape en Corée. Et il voulait réfléchir sur la notion d'homéostasie parce qu'on était justement dans une période post-pandémie. Donc c'était la thématique de comment est-ce que les humains vont réussir à trouver un équilibre entre la nature et les technologies pour continuer à vivre sans saccage et tout. Puis au début, je pense qu'on a, t'sais, on a vraiment pris notre temps pour faire des recherches poétique, philosophique, esthétique, scientifique aussi, parce que c'est un phénomène qui existe dans tous les êtres vivants. Et puis on s'est rendu compte que c'était un sujet qui nous touchait, en fait, la recherche d'équilibre quant à un corps ou un système qui est en parfaite harmonie et que quelque chose vient le perturber et que le système prend en considération cet élément perturbateur pour recréer une autre sens de l'équilibre et de l'harmonie pour continuer à vivre et à évoluer en fait. Et donc on est parti sur assez rapidement des compositions musicales qui étaient inspirées notamment de la suite de Fibonacci. Et puis on a exploré des objets visuels, notamment des coquillages, des fleurs qui se développent aussi suivant la suite de Fibonacci. Puis on s'est demandé c'est quoi cette représentation de la perfection dans la nature, puis nous ce serait quoi mettons une représentation de la perfection et de la recherche d'équilibre dans la forme et les interactions qu'on souhaitait créer. Qu'est-ce que t'en penses Pierre-Luc? Ben, c'est super bien résumé. En fait, pour la documentation, cet été, avant de participer à Mutec, on a participé au Mutec Market. Donc, on a eu une semaine de speed dating à fond avec des présentateurs. Et on a, depuis, je n'arrive plus à bégayer quand je parle du projet. Alors qu'avant, dans les interviews, j'ai quand même fait quelques dérapages assez catastrophiques. Notamment sous le coup du décalage horaire, je dois dire. Mais là, c'est bon. En tout cas, on perçoit très bien le fil conducteur tout de même entre le projet précédent, Inertis, et puis Homéostasis, là, sur le plan de cette relation entre la nature, la culture, comment l'univers musical peut être traversé par des concepts ou des notions scientifiques. Mais bon, moi aussi, je vais faire attention de ne pas trop m'aventurer sur ces notions. Et puis, on va plutôt écouter un extrait de ce projet, Homéostasis, une pièce qui s'intitule Melting Flower. Très belle pièce, comme plusieurs. La plupart des pièces sont vraiment très, très chouettes, très belles. Alors, on écoute cet extrait de l'album Homéostasis. Ce soir, on écoute l'album qui prolonge le spectacle, un spectacle qui a été présenté à quelques reprises jusqu'à maintenant, au Québec, oui, et puis à l'étranger, en tout cas, sûrement. Et j'aimerais que vous me parliez du spectacle. Comment ça se déploie, cette aventure, une fois que vous êtes sur scène? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe plein de choses. En fait, c'est ça l'idée d'Homéostasie, tu sais, comme Ida en a parlé. On l'a incarné dans le choix des matériaux sonores et visuels, puis aussi dans la structure, puis dans comment nous, on interagit ensemble, tu sais, sur la scène. Donc, le concert suit une courbe narrative dans laquelle on établit des états très stables. Donc, au début, ça va commencer de manière très, très douce, avec des sons très, très lisses, très harmonieux. Des formes visuelles aussi qui sont générées en réaction à ce que nous, on joue, mais qui vont être très en harmonie, qui vont être très comme stables. Puis de plus en plus, ben comme on alterne entre des sections qui sont très composées, donc que nous, on va comme tout le temps jouer sensiblement la même chose, et des parties qui vont être comme plus systémiques, donc où est-ce qu'on a des fonctions, donc Ida comme certains comportements au sax qu'elle va faire. Moi, j'ai certains comportements aussi sur mon synthé. Mais on ne sait jamais trop comment ça va... On va tout le temps se rendre au point où est-ce qu'on veut aller, mais on ne sait jamais trop comment qu'on va s'y rendre. Ça fait qu'on alterne entre ces moments-là plus proches de l'improvisation très guidée, puis des moments très composés, pour, créer une trame narrative dans laquelle on explore... Cette idée-là là, d'équilibre. Donc, ça crée un spectacle qui a beaucoup de contrastes, en fait. Il y a des moments qui sont très beaux, très doux, comme ce qu'on vient d'entendre dans Melting Flower, qui est une partie, là, qui est comme l'album, en fait. Là, c'est comme différentes scènes du spectacle. Mais en spectacle, on pousse beaucoup plus loin les contrastes. Il y a des moments que ça devient extrêmement intense. Donc, tu sais, on peut partir du très, très doux, très beau, très... harmonieux à des moments qui sont comme presque d'inspiration bruitiste, noise, qui vont comme... c'est ça. Ça fait que ce contraste-là est comme... je pense que c'est peut-être une signature là, de la performance. Mm. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'on retrouve ces idées-là dans les titres que vous avez utilisés pour l'album, hein, n'est-ce pas? Mm. J'ai retenu cette fois Homéostasie, ce titre, qui exprime bien l'idée que vous défendez jusqu'à maintenant. Et puis, je pense que c'est le titre qu'on retrouve un peu comme au centre de l'album qui rejoint cette idée d'équilibre puis de balance. Alors, on écoute ça. Thank you. Eh bien, voilà ce qui complète la première demi de l'entretien que m'accordaient les créateurs sonores Ida Toninato, Pierre-Luc Lecourt, réunis en duo autour d'un projet de spectacle et d'album intitulé Homéostasie, dont on écoute le titre de l'album. Alors, on poursuit ça après un bref battement promo. Vous écoutez La Croche Oreille. Retour, c'est la croche-oreille jusqu'à 22h sur CKRL. Gaëtan Gosselin au microphone. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Bon, j'accueille ce soir en entretien Ida Toninato et Pierre-Luc Lecourt autour de leur album intitulé Homéostasie. Un album magnifique dans lequel ils réunissent les mondes acoustiques et visuels par le truchement du saxophone baryton, du synthétiseur modulaire et de la vidéo générée en temps réel, un spectacle présenté au Québec et à l'étranger, bon, en France notamment, au Royaume-Uni, en Argentine, et puis présenté aussi dans le cadre de MUTEC à Montréal et du Mois Multi ici à Québec. Bon, enregistré en studio, l'album Homéostasie mêle improvisation, texture sonore et structure inspirée, comme il nous le raconte depuis le début de l'émission, par les mathématiques et les systèmes en quête d'équilibre et de stabilité, d'où le titre de l'album Homéostasie. Ida Toninato et Pierre-Luc Lecourt travaillent en duo depuis 2021 suite à un projet de résidence soutenu par MUTEC et le Centre Avatar ici à Québec, résidence qui a donné naissance au projet Inner Seas, un premier projet immersif qui a grandement conditionné la suite de leur dialogue visuel, sonore et numérique présenté dans cet album intitulé Homéostasie qui combine bon, des moments de tension, d'apaisement et de contemplation. Bon, on en a écouté quelques extraits jusqu'à maintenant. Alors voilà, on poursuit cet entretien que m'accordaient Ida Toninato, Pierre-Luc Lecourt. Bon, ça se passait il y a quelques semaines à propos de ce projet magnifique. Alors on poursuit l'écoute. Ida et Pierre-Luc, bon, quel défi ça représente que de passer d'un spectacle, d'un volet spectacle à un volet album? Parce que bon, quand on construit un spectacle, bon, il y a la part d'improvisation, il y a évidemment toutes ces interrelations entre le visuel et le sonore, le musical. Mais quand on s'assoit, on s'arrête pour faire l'album, là, c'est quoi les enjeux qui sont soulevés là, Je pense que Pierre-Luc, tu devrais commencer la réponse. Ben, c'est sûr que c'est ça, tu sais, dans le contexte où c'est une performance audiovisuelle, l'aspect visuel, par moment, tu sais, ben, en fait, tout le long, ça interagit, ça crée un tout avec le son. Donc, tu sais, au niveau de la temporalité, le fait qu'on est, on est sur la scène, on joue, tout ça, il y a comme un... Le temps est différent. Donc, le premier défi pour nous, ça a été de trouver les bonnes durées. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en performance, on peut prendre plus de temps, tu sais, parce que comme, ah oui, c'est vrai. On a comme il y a un élément visuel qui va se déployer, tout ça. Quand c'est exclusivement audio, il y a un défi des fois, tu sais, le focus sera pas le même. Donc, il a fallu quand même faire un travail d'arrangement, en fait, juste de trouver c'est quoi la bonne temporalité pour que quand on l'écoute, ça donne l'effet qu'on veut donner. Ça fait qu'on a comme on a travaillé là-dessus. Puis aussi, tu sais, là, nous, quand on fait les spectacles, on se restreint à ce qu'on est capable de générer. Ida avec son saxophone et moi avec mon synthé. Donc, on n'a pas de boucle. C'est ça, il n'y a pas de boucle. On est dans quelque chose qui est assez comme duo. Là. On a comme deux identités, ça se produit en temps réel. Quand c'est en album, ben là, Ida peut se dédoubler. On peut comme... Moi, au niveau synthé, je peux jouer, tu sais, je peux faire plusieurs choses en même temps que je pourrais pas faire live. Ça fait qu'il y a eu un travail d'arrangement puis d'augmenter, en fait, tu sais, nos pièces. Puis après, ben, il y a tout, justement, l'aspect plus improvisé. Ça a été de trouver, de se composer, finalement, des lignes qu'on aimait, là, tu sais, qui allaient bien comme représenter ce qu'on... Peut-être une moyenne de ce qu'on fait quand on est live. Mm. Puis là-dessus, ouais, c'est ça. Peut-être, Ida, tu veux-tu nous en parler un petit peu de cet aspect? Ouais, c'est sûr que, tu sais, quand on passe de quelque chose... Bah, en fait, dans le spectacle, il y a énormément de pistes qui sont composées, mais le fait de pouvoir entrer et sortir du matériel composé en improvisant, ça donne une fluidité et une liberté que, dans l'enregistrement, on avait moins parce que on a enregistré jusqu'à ce qu'on ait toutes les takes parfaites. Mais genre tout parfait. Le grain, l'articulation, la respiration, l'intention, la manière de le porter, à la nanoseconde près. Donc c'est un album qui a vraiment été enregistré de manière extrêmement méticuleuse. Puis on a aussi joué avec différentes captations parce qu'on a enregistré l'album sur quand même une relativement longue période. Donc on a on a mélangé des prises qui n'ont pas été réalisées au même moment. Puis du coup, ça donne lieu à quelques variations subtiles de timbre. On a pu faire évoluer le matériel pour le garder frais aussi. Puis tu sais, c'est Pierre-Luc qui a produit l'album. C'est lui qui a réalisé tout le travail de mixage et de mastering, puis une des choses que j'aime, mais par-dessus tout dans cet album, c'est que à chaque fois que je l'écoute, j'entends des nouvelles subtilités, puis des nouvelles richesses que j'avais pas entendues, parce que le fait d'avoir joué avec plusieurs couches superposées de chaque prise, de chaque instrument, la manière dont c'est mixé vraiment en face, ben, je veux dire très en avant, très en arrière, les gauches-droites, les machins, les effets... Ça crée, il y a vraiment une densité sonore, il y a une grosse, grosse richesse, je trouve, dans cet album. C'est très, très dense, très fourni. Puis parfois, j'adore l'écouter chez moi, mais aussi quand je suis sur la route. Parfois, quand je vais en répétition chez Pierre-Luc. Puis jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé d'entendre des choses que j'avais pas notées, tu sais, d'être sur l'autoroute, d'écouter notre musique et de me dire « Oh ! Waouh ! À 5 minutes 08 sur cette piste, c'est malade, j'avais pas encore entendu ça !» Fait que c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé, que j'adore de cet album-là. Et puis juste pour terminer, parce que j'avais un petit peu peur, j'avais un petit peu d'impréhension. Quand on a terminé l'album, je me disais, mince, on s'est tellement habitué à entendre ces musiques-là avec toutes les prises. Ça va faire quoi de retomber sur quelque chose de live où on joue juste une voix de saxophone, puis une voix de synthé à la fois? Puis en fait, l'énergie est tellement... du live est tellement différente que... Ça me manque pas, en fait. C'est vraiment, même si la proposition musicale est la même, la manière de la déployer dans le temps, dans l'espace, est tellement différente que ça se complète vraiment admirablement, je trouve, dans ma pratique en tout cas. Ouais, tout à fait. J'aime bien ce terme d'énergie, Ida, que tu utilises là, pour la description. Et ça évoque cette pièce qui s'intitule Confrontation, qu'on va écouter. Mm-hmm. qui me semble aller très, très bien avec cette énergie qu'on retrouve là, de, à la fois de contraste et d'intensité dans ce projet. On va écouter ça. Et Pierre-Luc, quand on est dans le feu de l'action pour les spectacles, notamment là, pour le spectateur, il me semble que ça coule, ça va de soi. Mais quand le temps s'espace entre les spectacles, comment vous vous retrouvez pour redémarrer cette aventure musicale sonore? Parce qu'on se dit, bon, quel est le système de notation? Comment ils arrivent là, à réenchaîner leurs univers pour en faire une totalité organique et, je dirais, homéostatique? Ou en tout cas, comment vous retrouvez ce concept là, une fois qu'on redémarre après un certain temps, un certain arrêt? Tu sais, c'est une question que je me pose à chaque fois. À chaque fois qu'on rejoue ensemble, je me dis « Oh, ça va me prendre du temps, ça va pas être aussi frais, ça va pas patati, patati, patata. » Mais je pense que cette musique-là, elle est vraiment... Primo, elle est imprimée dans notre ADN, je crois. Donc quand on se retrouve, c'est à peu près automatique. Puis secondo, on vit tellement de choses riches et contrastantes quand on n'est pas ensemble que quand on se retrouve, on apporte des nouvelles choses, on apporte une fraîcheur. Qui fait en sorte que ce matériel-là il reste vivant. C'est parce qu'à chaque fois qu'on réouvre Homéostasie, eh ben, on retrouve aussi de nouveaux espaces de liberté. On aborde les choses différemment, on prend plus de risques en fait. Et ça fait que la pièce reste fraîche et nous surprend. J'adore ça. Je crois qu'on se laisse surprendre à chaque fois. C'est vrai, c'est quoi? Je pense que tu résumes bien là, l'aspect comme, tu sais, c'est un vase dans lequel on, tu sais, qui change de forme un petit peu, tu sais, au sens que, puis moi aussi, j'ai tout le temps un stress, là, quand on se dit, ah là, on commence nos répétitions pour tel concert, puis des fois, justement, ça peut être 3, 4 mois entre certains spectacles, puis là, je suis comme, ah, tu sais, je me rappelle plus de rien, puis là, finalement, quand on commence à jouer ensemble, ben là, ok, tu sais, finalement, ça va vraiment mieux, mieux qu'on pensait. Mais aussi, c'est ça, je pense, il y a quand même beaucoup d'espace de liberté. C'est intéressant comme de laisser ces espaces-là, même comme entre nous quand on joue. Puis c'est un espace, après, cette liberté-là, on peut l'incarner même en concert, tu sais, dépendamment de l'espace, dépendamment du lieu. On a joué dans des contextes très différents, des fois des salles assises, des salles debout, des jauges très différentes. Puis on adapte comment qu'on joue, tu sais, on adapte même notre énergie, puis on a cette, je pense, on a cette liberté-là, puis ça facilite, je pense, le fait de rembarquer dedans. Ouais, tout à fait. Si on revient à votre premier spectacle, Inner Seas, par rapport à ce tout dernier, là, Homéostasie, est-ce que vous percevez une évolution ou une transformation dans le propos, ou puis même dans votre manière de sentir, de vivre l'expérience, là, à la fois scénique, mais l'expérience musicale, dans la perspective aussi de votre complicité? Tu veux y Ben, aller? oui, moi je pense, tu sais, Inner Seas, pour nous, ça a été un peu l'apprentissage. Tu sais, c'est aussi un spectacle qu'on a fait très vite, là, au sens qu'on était comme un mois en résidence ensemble, puis on a tout créé. Ça fait que, tu sais, c'est un mois intense, on a comme développé une dynamique. Puis cette dynamique-là, tu sais, Inner Seas, on a fait une quinzaine de fois en concert. Puis c'est quelque chose qu'on a comme, je pense qu'on a développé tout un système de repères dans le son, tu sais, au sens que. Je sais, comme maintenant, j'entends Ida jouer une séquence ou d'une façon, puis je sais où est-ce qu'elle va aller après, tu sais. Ça, c'était pas nécessairement le cas au début. Je pense que c'est similaire. Puis Homéostasie, c'est un projet qu'on a composé en un an. Ça fait que c'est un projet qu'on a pris beaucoup plus de temps, qu'on a beaucoup plus réfléchi. Justement, on a pris le temps de lire sur l'homéostasis, réfléchir comment que ça s'incarne au niveau conceptuel, dans comment qu'on allait faire la pièce. Puis ça fait que c'est quelque chose que, quand même, on est arrivé en concert, on était beaucoup plus solide déjà en partant, tu sais. Ida, Pierre-Luc, pour compléter notre belle rencontre de cet après-midi, j'aimerais que vous me parliez de vos projets, peut-être de vos projets en duo, mais aussi de vos projets individuels, s'il y a quelque chose qui se pointe sur vos tables de travail. Tu veux-tu commencer un peu? Est-ce qu'on peut parler rapidement on travaille sur un prochain projet qu'on aimerait présenter peut-être dans un an et demi. C'est que ça, on va comme mettre ça en place dans les prochains mois. Puis sinon, Ida, toi, vas-y, après je parlerai. Je peux même te dire qu'on a, on était déjà en train de... en fait, on a commencé à réfléchir à la thématique, au fil conducteur, à qu'est-ce qu'on avait envie de développer. Puis on a tâtonné un petit peu, puis il n'y a pas longtemps, on a eu le flash. Donc on sait dans quelle direction on va aller, mais évidemment, on ne peut pas te dire. moi, de mon côté, je vais sortir un autre album au début de l'année, en février, avec l'altiste Jennifer Thiessen. C'est une musicienne fantastique avec qui je collabore depuis aussi de nombreuses années. Je pense que j'ai deux partenaires vraiment privilégiés pour la création musicale, c'est Pierre-Luc Lecourt et Jennifer Thiessen. J'aime bien les collaborations qui durent dans le temps. Donc on a composé un album qui s'appelle Dream of Heat, qui va sortir sur Ambiance Magnétique, et qui est une longue traversée de l'hiver, l'hiver comme métaphore du silence, du calme, du besoin d'introspection, du besoin de rentrer à l'intérieur pour se ressourcer, puis arriver au début du printemps avec une énergie renouvelée. Et c'est un album qu'on a enregistré à Hotel Tutango, qui a été réalisé par Jason Tripp. Donc c'est un album dans lequel on explore... On sort un petit peu de l'instrumentation saxophone et alto qu'on avait pour The Space Between Us, mais on a vraiment beaucoup utilisé nos voix, des synthétiseurs, des effets, aussi l'alto et le baryton évidemment. Donc c'est un album qui est plus genre dream pop électronique, quelque chose, spoken words, en fait je sais pas c'est quoi le style, mais ça ouvre vraiment notre palette instrumentale. Et sur le plan solo, je travaille sur une performance qui s'appelle Lions on the Run. En fait, j'ai beaucoup utilisé le saxophone baryton. J'ai de plus en plus développé la voix, dans les dernières années. Puis l'usage d'instruments électroniques. Et ça fait longtemps que je commence à concocter un projet dans lequel je rassemble ces trois éléments, puis j'en fais vraiment un univers sonore. En béton armé, j'ai envie de dire, que je rapatrie toutes ces choses-là qui existent dans des constellations un petit peu différentes les unes des autres pour en faire un tout cohérent. Donc j'ai comme présenté plusieurs performances test un petit peu de ce projet. Là, je vais commencer une phase d'expérimentation où j'ai vraiment besoin de beaucoup plus m'approprier les instruments électroniques pour développer des réflexes qui sont au même niveau que mes réflexes instrumentaux. Et puis, je vais être prête à jouer ça dans à peu près entre 3 et 6 mois, quelque chose comme ça. Ça s'appelle Lions on the Run. Pierre-Luc, qu'est-ce qui se passe de ton côté? C'est ça. De mon côté, justement, là, à part le prochain projet avec Ida, il y a une collaboration avec le groupe Vidéophase qui s'en vient avec Julien Robert. Donc, ça va être une pièce audiovisuelle là, qui va être tirer des instruments qu'il a développés pour le dernier spectacle qu'ils ont fait, Alt Escape. Donc, c'est des télés connectés avec des feeds vidéo et sonores. Sinon, on parlait là, de collaboratrice, de collaborateur de long, avec qui on travaille longtemps. Là, je fais une nouvelle perfo avec Myriam Boucher. Donc là, c'est ça, on est en train de travailler ça là, pour dans les prochains mois. Puis sinon aussi, dans les dernières années, là, j'ai parti un ensemble qui s'appelle l'Ensemble Modulaire. Donc, c'est un ensemble de musique, d'interprétation de synthétiseurs modulaires. C'est ça. Là, en ce moment, on travaille pas comme tout le monde ensemble. Je travaille surtout avec Daniel Agnès, qui est aussi de Noir Banda, là, comme on dit, pianiste puis interprète de synthèse. Puis là, on a un projet qui s'en vient justement là, comme pour l'été, mais... Ouais, c'est ça. Il y aurait une partie de ce projet-là qui serait d'interpréter Incy de Terry Riley à deux synthétiseurs modulaires. Puis une collaboration dont je ne peux pas parler, mais qui serait avec une pianiste là, classique, puis un répertoire classique, mais augmenté avec du synthétiseur modulaire. Pierre-Luc Lecourt, Ida Taninato, grand merci de m'avoir accordé cet entretien aujourd'hui. C'était très agréable. Gaëtan Gosselin, tellement merci de nous avoir accueillis, de nous avoir accordé ton temps et surtout ta curiosité. Oui, merci. Un gros merci. Voilà, ici s'achève La Croche-Oreille pour ce soir en compagnie des artistes sonores, musiciens, Ida Taninato, Pierre-Luc Lecourt. Alors, grand merci à Pierre-Luc et Ida, que je salue en passant, de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres qu'on retrouve sur la plupart des plateformes numériques. Comme à l'habitude, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Alors voilà, quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes CKRL et sur la toile pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des sonorités de Lecourt et Taninato depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.